Session de mieux-être pour le mois de mars de l'année 2022. Donc, pour les gens que ça intéresse de vous joindre à moi en présence, et ça, peu importe à quel moment et à quelle distance que vous vous trouvez de ma personne, eh bien, vous pouvez, si vous le voulez, participer à cette session qui se veut intemporel. Donc, dans un premier temps au menu, il va y avoir de la détente, ensuite de la méditation et visualisation qui va porter sur des couleurs pour favoriser le mieux-être, et en terminant, la réalisation de bénédictions. Donc, tout d'abord, par rapport à la détente, elle est primordiale pour nous rendre disponibles à l'intériorité, à nos ressentis et également à nos perceptions subtiles qui peuvent émerger tout au long de cette session qui commence. Pour favoriser la détente, je vous propose de vous asseoir confortablement à un endroit que vous savez qu'il va être calme pour les prochaines minutes. Je vous propose maintenant de fermer calmement les yeux. Je vous suggère à présent de prendre des respirations en inspirant et également en expirant consciemment, en étant en présence, en état de présence totale par rapport à l'entrée dans votre corps de l'oxygène et aussi de l'expulsion de l'air à travers l'expiration. Donc, vous pouvez maintenant inspirer consciemment et expirer. Encore une fois, inspirer et expirez. Et une dernière fois consciemment, inspirez. Et ensuite, expirez. Et en inspirant et en expirant, comme vous l'avez fait, ben, c'est propice à vous déposer et à vous rendre disponible à votre ressenti corporel et aux différents états d'être qui peuvent jaillir durant cette session. Je vous propose de porter maintenant attention, en plus comme on le fait du souffle, à votre ressenti du contact de votre peau à la gare de l'endroit où vous pouvez être assis. Je vous suggère maintenant d'être présent sur le plan de l'attention par rapport à l'observation du contact de vos pieds par rapport au sol, d'observer cette sensation. Donc maintenant, votre respiration est calme et lente. Les muscles de votre mâchoire sont relâchés. Vous êtes dans une situation dans laquelle je me trouve également, où mon cœur va battre à un rythme calme et lent. Lors de cette activité de détente, vous pouvez, à ma suite, affirmer mentalement ou même à vive voix les énoncés qui suivent. Je suis de plus en plus en paix. Je suis de plus en plus calme. Je ressens de plus en plus la paix en moi. Ma main gauche s'avère lourde. Ma main droite est de plus en plus lourde. Mes mains sont lourdes. Mon bras gauche s'avère lourd. Mon bras droit est de plus en plus lourd. Mes bras sont lourds. Mes mains et mes bras sont détendus maintenant. Ma main gauche s'avère lourde. Ma jambe droite est maintenant lourde. Mes jambes sont lourdes. Tout le bas de mon corps est à présent détendu. Mon ventre est calme. Mon front est rafraîchi par l'énergie qui circule en lui. Il est détendu. Et à mesure que mon corps s'alourdit, je suis de plus en plus dans un état de paix qui grandit, qui s'approfondit. Mon corps maintenant est complètement détendu. Je suis de plus en plus présent à ce qui se passe. Je ressens maintenant la présence de l'être qui est moi sur le plan multidimensionnel, me nourrir, m'alimenter. Je suis harmonisé à lui dans la paix et chargé d'énergie. À présent, je vais procéder à de la méditation par rapport à des couleurs pour se nourrir de l'énergie, se rapportant à certaines couleurs en les visualisant. Je vois la couleur jaune dans ma conscience. Et cela me permet de me concentrer comme le soleil qui est dense en énergie. Je vois la couleur jaune qui me calme de plus en plus. Je sens l'énergie du soleil qui nourrit mes cellules. Je sens l'énergie solaire qui éclaire ma conscience. Je sens l'énergie du soleil qui nourrit l'ensemble de mon corps. Je sens maintenant l'énergie de ma conscience solarisée qui éclaire mon environnement. À présent, je vois la couleur verte. Et cela me détend. Je vois la couleur verte de la nature qui me calme de plus en plus. Je sens l'énergie de la nature qui nourrit mes cellules. Je sens le chi qui est présent dans l'environnement et qui peut être absorbé par ma peau, par mon corps physique, pour restaurer mes organes. Je ressens de plus en plus l'énergie de la nature, de la vie, qui nourrit l'ensemble de mon corps physique. Je me sens à présent en état d'unité avec la nature, le vivant, et également l'énergie du soleil. Je me sens comme un être qui à la fois se nourrit de la lumière du soleil et du contact avec la végétation simultanément. Par la suite, je visualise mentalement la couleur rose qui est souvent associée à la guérison, à l'harmonisation heureuse. Et je visualise mentalement l'énergie rose partir du haut de ma tête pour ensuite se rendre dans mon cerveau physique et harmoniser les deux parties du cerveau, soit les deux hémisphères, pour qu'ils soient dans un état d'unité, un état d'harmonie. Je ressens à présent la densité énergétique de l'énergie rose que j'invoque et que je me donne à vivre pour nourrir mon organisme de cette énergie vitalisante qui s'achemine du haut de ma tête à travers les hémisphères de mon cerveau pour ensuite investir en descendant vers mon cou, le haut de ma colonne vertébrale. Par la suite, je visualise que l'énergie rose s'extériorise à travers ma bouche lorsque j'expire. Donc, l'énergie rose s'investit dans mes narines, dans ma bouche aussi, pour favoriser la vitalité de mon mécanisme de respiration. Par la suite, je visualise cette énergie qui descend le long de ma colonne vertébrale, qui va se rendre dans le haut de mes poumons pour les revitaliser. Ensuite, je visualise que l'énergie est intelligente et qu'elle œuvre par elle-même dans l'optique d'optimiser mon corps biologique, c'est-à-dire dans l'optique de favoriser son plein potentiel. Je visualise maintenant que l'énergie, elle part des poumons et puis elle va se rendre dans le cœur. Elle va le traverser. Elle va descendre tout en investissant de sa densité vibratoire la colonne vertébrale pour parcourir le foie, les reins, la vessie et même le sexe. Je visualise que l'énergie circule du haut du corps vers le bas en passant à travers les intestins. Et que cette énergie, à mesure qu'elle traverse les différents organes, et à mesure qu'elle les harmonise, même chose pour les différentes zones corporelles, même chose pour le circuit nerveux, sympathique, parasympathique, je visualise que l'énergie, dans son intelligence, va se rendre dans les différentes zones du corps qui en ont besoin dans le ici et maintenant, advenant le cas. D'un côté, j'utilise ma conscience pour diriger l'énergie du haut vers le bas du corps, dans l'optique d'investir les différentes zones de mon corps de présence, tout en laissant l'énergie simultanément œuvrer à son rythme dans chacune d'entre elles. Donc le balayage psychique en relation avec l'énergie rose vise à investir une vibration porteuse de santé dans l'ensemble du corps. Et par la suite, je visualise que l'énergie descend dans les cuisses, les genoux, les mollets. Ensuite, l'énergie continue son travail pour traverser l'intérieur des jambes, se déplacer à travers le circuit qui relie les jambes à la colonne vertébrale, le circuit nerveux. Je visualise que l'énergie apaise les différentes zones du corps. Et après le mollet, les tibias, eh bien, il y a également le talon qui est investi de la présence de l'énergie et aussi le dessous du pied. Et je visualise que l'énergie ressort par le dessous du pied et que maintenant, le circuit énergétique qui est investi par la présence part du haut de la tête, va vers le bas en descendant à travers la colonne vertébrale pour ensuite parcourir les deux jambes et se rendre en dessous du pied. À présent, à mesure que l'énergie circule, je peux ressentir une sensation de bien-être qui circule en moi. Une chaleur, un état de chaleur interne qui est présent en relation avec l'activation de l'énergie. Un état de bonheur relatif. Un état de douceur, un état de plénitude, un état de grâce, un état qui est tel qu'il ne saurait être amélioré, donc un état absolu, un état béni, un état de grande plénitude. À présent, nous sommes rendus à la section bénédiction de cet enregistrement audio de cette session. Donc, pour les gens qui s'intéressent, vous pouvez répéter mentalement, psychiquement ou à vive voix à ma suite les éléments de bénédiction que vous désirez. Avant de débuter le volet bénédiction, je veux mentionner que je bénis les gens qui ont envie de l'être et plus particulièrement la présence d'esprit des gens qui ont envie d'amplifier ces bénédictions. Parce que s'il y a des gens un peu partout qui bénissent en même temps et qui nourrissent psychiquement les mêmes bénédictions, eh bien à ce moment-là, il y a un phénomène d'amplification énergétique qui est engendré par la présence psychique des gens qui nourrissent ce mouvement d'utilisation et de canalisation de l'énergie de manière consciente. Car bénir en tant qu'investissement d'énergie se rapportant à l'être est une activité psychique qui a de l'influence sur des gens, des événements et des situations par rapport à l'environnement, étant donné que nous ne sommes séparés de rien. Tout est interrelié. Et comme la physique quantique l'a démontré, il n'y a qu'un seul champ quantique qui englobe tous les éléments. Et le simple fait d'observer une expérience a une incidence dessus. Donc, le fait, par exemple, d'être l'observateur qui investit un individu, une situation, un événement de sa présence, agit dessus. Donc, pour ce qui est de la bénédiction, je vais à présent bénir ma tête. Et je vous invite à en faire autant. Donc, je bénis le cerveau, plus spécifiquement les deux hémisphères qu'il compose, pour qu'il soit unifié dans l'énergie étrique. Je bénis maintenant mes yeux, pour qu'ils soient en bonne santé, que ma vision soit optimale. Je bénis mes oreilles, ma capacité à entendre, ma capacité à écouter, et à être disponible pour être présent à ce qui peut être entendu. Je bénis ma gorge, je bénis ma capacité de parler, de générer une parole qui est porteuse de vibrations, porteuse de santé, porteuse de joie, et bien entendu porteuse de bénédiction pour amplifier ma capacité de bénir. Je bénis maintenant mon muscle cardiaque pour qu'il soit en santé, pour qu'il fonctionne d'une manière adéquate. Je bénis les poumons pour qu'ils m'oxygènent régulièrement. Je bénis mes reins, ma capacité de digestion de la nourriture que j'absorbe, mes intestins, mon sexe, que tous ces éléments qui me composent sur le plan physique soient harmonisés à mon être et dans un état de santé et qu'il y ait la revitalisation des zones de mon corps qui ont pu connaître du stress au fil du temps. Donc, je bénis la régénération de l'ensemble de mes organes corporels, advenant qu'ils aient connu du stress et de la fatigue, pour qu'ils soient optimales. Je bénis maintenant mes bras, mes mains, mes jambes, mes pieds. Ensuite, ma peau, la force musculaire de mon corps physique, sa souplesse également. La capacité aussi de mon corps à absorber les éléments dans mon alimentation. Je bénis ma capacité plus particulièrement d'absorber tous les éléments nourriciers pour mon corps physique en vue qu'il puisse se régénérer d'une manière optimale à travers l'alimentation. Je bénis mon système immunitaire pour qu'il soit fort, puissant et propice à la santé. Je bénis mon ADN pour qu'il soit parfait, pour que sa programmation soit propice à m'amener à vivre une santé optimale, pour que sa programmation se code sur la vie, sur l'harmonisation à mon être total. Je bénis maintenant mon corps physique dans sa globalité. Je bénis mon aura en tant que structure énergétique qui englobe mon corps physique et qui s'y rapporte. Je bénis mon état émotionnel pour qu'il soit cohérent. Je bénis mon état intellectuel pour qu'il soit propice à me permettre d'accéder à des niveaux de compréhension extrêmement élevés. je bénis mon intelligence, à la fois intellectuelle, mais également sur le plan vibratoire. Je bénis mon état vibratoire global se rapportant à ma personne. Je bénis mon taux d'énergie, mon taux vibratoire. Je bénis également le taux vibratoire du lieu où je vis, la résidence où je me trouve, pour qu'elle soit investie d'une énergie apaisante, nourricière et propice à la santé des individus qui s'y trouvent. Je code sciemment le lieu où je réside sur le plan énergétique pour que ce soit un lieu qui soit investi d'un éther de beauté, c'est-à-dire d'un champ d'énergie harmonieux, agréable et propice à la régénération à chaque fois que je m'y trouve. Je passe en revue les différentes pièces du lieu où je vis pour les investir de présence, de lumière. Et quand je dis de présence, je fais allusion à mon être multidimensionnel. Pour charger ce lieu de vibrations propices à la paix de l'esprit, au déploiement de la créativité, au déploiement de l'intelligence et au déploiement de la cohérence et la santé. Je bénis le local où je travaille, qu'il soit investi de lumière, pour qu'on puisse y trouver des vibrations harmonieuses, des vibrations qui sont joyeuses, des vibrations agréables. Je bénis plus particulièrement mon sommeil pour qu'il soit régénérateur, propice à ma santé optimale. Je bénis la personne avec qui je vis, dans mon cas, ma compagne, pour que notre relation soit agréable, harmonisée et bien heureuse. Je bénis le rapport à ma famille pour qu'il soit harmonieux. J'investis à présent de présence et de lumière. L'animal de compagnie que j'ai, en l'occurrence dans mon cas un chat, pour qu'il soit en santé maintenant et longtemps, je bénis sa longévité. Je bénis pour qu'il soit heureux de vivre longtemps en ma compagnie. Je bénis ensuite plus particulièrement mes rentrées d'argent. Donc, je bénis pour que j'aie accès à de l'argent en grande quantité, avec facilité. Je bénis ensuite ma capacité, plus spécifiquement, de mémorisation. Donc, d'être capable de mémoriser les informations requises, de déduire, de faire preuve de synthèse et également de créativité. Donc, je bénis le déploiement de l'ensemble de mes capacités sur le plan intellectuel et psychique. Je bénis mon intelligence intuitive. Je bénis l'oxygénation de mon corps, de mes cellules, pour qu'elles se nourrissent de l'oxygène, mais plus spécifiquement du prana, qu'elles s'alimentent de lumière. Je bénis la libre circulation de l'énergie dans tout mon corps. Je bénis l'harmonisation de mes corps subtils, éthériques, émotionnel, mental et spirituel. Je bénis ma capacité à ressentir de l'amour. Je me donne maintenant à ressentir l'amour dont j'ai une perception qui augmente de plus en plus. Je me sens de plus en plus chargé de l'énergie, de l'amour. Et je bénis ma capacité à le rayonner, à rayonner cette beauté, cette capacité de faire preuve de générosité dans le respect de soi. Car manifester l'amour implique de manifester naturellement l'amour de soi. Je bénis maintenant ma capacité à faire preuve de gratitude, ma capacité d'apprécier, par exemple, une promenade en plein air. Ensuite, les états d'être que je peux me donner à vivre en utilisant la puissance de ma volonté, ma capacité d'auto-suggestion, ma capacité de bénéficier de tout l'effet placebo que je peux me donner à vivre. Donc, ma capacité à me reprogrammer volontairement sur le plan psychique pour générer ce que je veux dans ma vie. Donc, je bénis ma capacité à faire preuve de gratitude, c'est-à-dire d'apprécier les éléments que je peux me donner à vivre, que je peux constituer sur le plan de ma conscience, qui me permet de me donner le monde que je perçois, et par corollaire, la beauté que je peux percevoir. Donc, autrement dit, je bénis ma capacité à faire preuve d'auto-gratitude, c'est-à-dire de faire preuve de gratitude envers moi-même par rapport à toute la beauté que je peux me donner à vivre et tous les états d'être qui sont agréables, que je peux générer par moi-même sur le plan psychique, sur le plan de l'autonomie que je peux me donner à vivre sur ce plan. Je bénis maintenant la régénération de mes cellules qui composent mon corps maintenant. Je bénis ma joie de vivre, d'être capable d'apprécier la vie, de la célébrer, un peu comme un enfant qui va passer son temps à jouer dans l'existence et qui ne s'ennuie pas car pleinement absorbé dans ses jeux, dans le déploiement de sa créativité. Je bénis ma capacité à m'harmoniser à la conscience universelle. Je bénis ma disponibilité à recevoir et à percevoir les idées intelligentes qui proviennent de la conscience universelle. Je bénis mon unité avec l'esprit et ma capacité à l'écouter. Je bénis maintenant ma capacité de bénir pour qu'elle soit de plus en plus puissante avec le temps. Et pourquoi pas bénir la capacité des gens qui ont envie de bénir pour leur offrir à distance un soutien psychique dans l'esprit de la bénédiction. Et c'est sûr qu'en terminant, il peut être possible de bénir une zone particulière du corps, une personne ou même une situation, si on en ressent le besoin. Dans mon cas, il me vient en tête une personne particulière à bénir. Et comme je sais qu'elle est disponible psychiquement par rapport à ce genre de choses, donc qu'elle est ouverte eh bien, je vais procéder à une bénédiction maintenant, tout en réalisant que la personne que je bénis, en réalité, c'est une partie de moi-même que je bénis, car nous sommes séparés de personnes sur le plan de l'absolu, sur le plan du champ énergétique universel. Donc, je la bénis pour qu'elle soit en paix sur le plan psychique et simultanément, lorsque je fais ça à une partie de moi-même, eh bien, je me donne simultanément à vivre la paix sur le plan psychique en l'amplifiant, en le vivant à une échelle à moi-même. Donc, je bénis la paix psychique de cette personne que j'ai maintenant en tête. Et pour en faire également de même là, par rapport à que ce soit une personne, ça pourrait être un animal de compagnie ou peu importe. Et vous pouvez simultanément en apprécier les bienfaits par rapport à vous. Car en visualisant la paix, vous vous branchez à la paix. Et à ce moment-là, comme vous n'êtes pas séparé de la paix, bien, vous la vivez, cet état agréable. Vous pouvez bénir le fait d'être rechargé sur le plan énergétique et en ayant toujours les yeux fermés, vous pouvez inspirer puis expirer dans la volonté d'être rechargé sur le plan énergétique pour que de la nouvelle énergie entre en vous et amène à ce moment-là une revitalisation pour laisser partir les énergies usées pour que des nouvelles énergies entrent et rehaussent votre taux vibratoire. Donc, vous pouvez inspirer et dans l'expiration, visualiser l'émergence, le déploiement de nouvelles énergies qui peuvent vous aider à connaître une créativité renouvelée, avoir accès à de nouvelles idées, de nouvelles informations, dans le but de favoriser votre épanouissement. Donc, vous pouvez bénir votre renouvellement psychique instantané, immédiat, tout en bénissant aussi votre identité divine, votre multidimensionnalité, votre être en tant qu'absolu et la générosité psychique que vous pouvez avoir envers vous-même en osant être vaste dans votre vie. Et après avoir réalisé ces différentes bénédictions, vous pouvez observer comment vous vous sentez, si votre état a changé depuis le début de la session, si vous vous sentez maintenant plus calme, plus détendu. Vous pouvez aussi observer votre état sur le plan énergétique. Vous pouvez observer votre inspiration, votre expiration. Vous pouvez ressentir l'état d'être que vous connaissez maintenant. Et maintenant, eh bien, vous pouvez progressivement bouger les mains, le bout des doigts. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Vous êtes maintenant ici, présent. Et en complétant cet enregistrement, eh bien, je mentionne que s'il y en a parmi vous qui l'ont apprécié, eh bien, vous êtes entre autres les bienvenus. Si vous avez envie de me faire parvenir une contribution financière en soutien à mes activités de diffusion web, et vous allez avoir les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement. Donc, s'il y en a qui ont envie de me faire un virement par le service de paiement sécurisé qui est PayPal et également Interac, eh bien, vous allez retrouver toutes les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement présent. Et je vous remercie de votre écoute. Et encore une fois, tous celles et ceux qui le désirent, eh bien, je vous bénis à distance. Et je vous invite à savourer pleinement la vie dans un état de gratitude, dans un état bienheureux. Au revoir.